28 athlètes russes ont été blanchis et pourront participer aux Jeux olympiques blanchis de dopage. Évidemment, c'est l'indignation partout dans le monde olympique. On a vu Pierre Harvey qui est très, très déçu de la situation. On parle avec Frédéric Degg de la presse canadienne qui en suit beaucoup. Salut Fred. Oui, bonjour Danny. Fred, avant de parler de ça, j'ai une question, j'ai un débat, puis je sais que tu as un bon jugement, puis j'ai un petit débat humoristique avec Stéphane Cadoret du Journal de Montréal et de Québec, et sur les Pats. Moi, et je veux savoir, Fred, pour toi, est-ce que c'est bon pour la NFL que les Pats soient toujours là, ou sinon, on aimerait ça passer à d'autres choses? Moi, je vais te dire une affaire, j'ai ma théorie là-dessus, puis dis-moi ce que tu en penses. Les Pats, que tu les aimes ou que tu les aimes pas, c'est tu peux pas être indifférent face aux autres. C'est un ou l'autre. T'es aimes ou t'es aimes pas. Puis ça, c'est bon pour la NFL. On voit toutes sortes de choses actuellement sur les médias sociaux. Les gens qui se lèvent la nuit pour les haïr posent des affaires. Comment tu vois ça, toi? Moi, je pense que peu importe le sport, une dynastie, c'est toujours bon. D'abord, ça alimente les discussions comme ça le fait présentement avec les Patriots. C'est un peu un jalon de mesure pour les autres organisations à ce moment-là. Tu veux faire aussi bien que cette organisation-là. Tu essaies de, sans les copier, tu essaies de découvrir ce qui fonctionne bien pour elles. Et moi, depuis que je suis partisan de sport, les dynasties ne m'ont pas dérangé. Au contraire, moi, je trouve ça bien intéressant. Moi, les Yankees des années 90 qui gagnent 4 séries mondiales en 5 ans, c'est certain que je suis un partisan des Yankees, là, mais on s'entend que moi, je trouve que c'est intéressant. Les Red Sox qui ont gagné, je pense, 3 séries mondiales en 10 ans. Même chose pour les Giants de San Francisco qui en ont gagné 3 en 5 ans ou en 6 ans, si ma mémoire m'est fidèle. Moi, je trouve ça très bien. Ben oui. Puis ça ajoute au côté, spectacle. Ça ajoute au spectacle. D'un autre côté, c'est sûr que les partisans peut-être des autres régions des États-Unis pour la NFL ou d'Amérique du Nord pour le baseball nous diront « Ouais, mais c'est plus le fun quand tout le monde a une chance égale. » J'ai fait une petite recherche dernièrement. Au cours des 10 dernières années, au baseball majeur seulement, 27 des 30 équipes se sont qualifiées pour au moins jouer le match de repêchage éliminatoire. Alors, tout le monde a une chance dans les faits, là, et dans les 10 dernières années au baseball majeur, il n'y a que les Giants avec 3 titres qui ont gagné plus d'une série mondiale. Le reste, ce sont toutes des équipes qui ont gagné une seule fois la série mondiale. Fait qu'il y en a de la diversité, mais de temps en temps, d'avoir une équipe qui se détache comme ça pour connaître du succès année après année, moi, je trouve que c'est bon. OK. 28 athlètes russes. Beaucoup de monde ont montré leur indignation. Est-ce qu'on a, on a pris ça vraiment? Est-ce que d'abord, est-ce que les Russes avaient des bons avocats, puis finalement on a trouvé une faille dans le système où on a vraiment accusé des gens sans raison valable? Ah non, écoute, la première option est la meilleure. Les Russes ont de très bons avocats et on a trouvé la faille pas dans le système, mais dans la défense du Comité international olympique. Okay. Richard McLaren, l'enquêteur de l'Agence mondiale antidopage, quand il a remis son rapport à la fin de 2016, là, j'ose pas trop m'avancer sur les dates, mais il me semble que c'est à la fin 2016. Lui-même, ce qu'il disait, c'est que cette enquête, ce rapport, démontre qu'il y avait un système de dopage et de camouflage de cas de dopage érigé en système par l'État russe. Les oui, preuves oui. que j'avance ici permettent de dire que la Russie a triché dans l'ensemble, mais ne tiendrait probablement pas la route devant un tribunal pour accuser de façon individuelle des athlètes. Et qu'est-ce que le CEO est allé faire? C'est aller accuser de façon individuelle des athlètes. Alors, les avocats de ces athlètes-là, de la Russie, se sont attaqués à cet aspect-là et c'est ce qui a causé fort probablement la perte là, du CEO dans ce dossier-là. Je dis fort probablement parce qu'on n'a pas pu lire le détail de la décision jusqu'à maintenant. Okay. Je base mon argument notamment sur une entrevue que j'ai faite avec Christiane Ayotte, là, qui est directrice du laboratoire de contrôle de dopage à l'Institut Armand Frappier, qui, elle, pense que c'est vraiment ça. C'est qu'on est passé, on n'a pas pris le bon chemin pour s'en prendre à ces athlètes-là en particulier. Mais qu'est-ce que ça va laisser comme trace? Parce qu'il y a un documentaire qui roule chez Netflix, apparemment. Hein? Je sais pas si c'était Netflix, là. Oui. Moi, je l'ai. Moi, j'ai vu des extraits. J'ai pas vu encore au complet le documentaire. C'est sur ma liste de choses à faire très prochainement. Non, ça a l'air que c'est clair. C'est sûr qu'un documentaire, ça reste un documentaire. C'est un documentaire d'opinion. Il veut bien te montrer. Ça, faut toujours en prendre, en laisser, là, de ça, là. Ils veulent bien te montrer ce qu'ils veulent bien. Ils te montrent ce qu'ils veulent bien te montrer, là. Oui, je veux bien, sauf que le documentaire aussi est basé sur les dénonciations qu'a fait Grigory Rodchenkov, là, qui d'ailleurs participe à ce documentaire-là, qui était le directeur du laboratoire de Moscou et qui était un peu la tête pensante, là, le mastermind derrière la tricherie russe. Okay. Alors, je pense que ça tient sur des bases solides, mais écoute, ça va, c'est une tâche de plus sur le mouvement olympique, sur le dopage dans le sport. C'est très décevant pour les athlètes qui vont se pointer là en étant propres et qui vont probablement voir sur la ligne de départ des athlètes dont tout le monde sait qu'ils sont dopés ou qu'ils ont participé à ce système de dopage. Ouais. Dernière question, Fred, je veux te laisser. Je veux te parler de Valérie Plante, hier, qui a donné, qui a enlevé la politique du baseball qu'avait mis Denis Coderre. Penses-tu vraiment que c'est un pas de recul pour le baseball et ça va jouer? C'est un mauvais signal qu'on envoie au baseball majeur. Moi, je pense que oui, là. Ben, ça peut pas aider, en tout cas. Ouais, ça peut pas aider, ça, c'est certain. Je sais pas à quel point c'est un pas de recul ou un mauvais message. C'est certain que ça aide pas. Et peu importe, là, qu'on soit en faveur du retour du baseball majeur ou pas, cette politique-là, là, oui, elle s'inscrivait dans la démarche globale, mais les terrains de baseball à Montréal et dans plusieurs régions du Québec ont été abandonnés à leur sort depuis 15-20 ans, alors que il y avait une baisse de la popularité du baseball chez les jeunes Québécois et une hausse marquée de la pratique du soccer. Ce qui est parfait, là, ce qu'on veut, c'est que les jeunes bougent. Mais là, depuis 5 ans, c'est le baseball qui connaît la plus forte croissance en pourcentage, peut-être pas en nombre absolu d'athlètes, mais en pourcentage de hausse des inscriptions. Il y a un besoin criant de restauration de plusieurs terrains à Montréal comme ailleurs. Cette politique-là de l'ex-maire Coderre visait à donner un coup de pouce à ces réfections qui étaient grandement nécessaires. Ouais. Et là, c'est je sais pas c'est quoi le raisonnement, mais en voulant s'attaquer à une politique de l'ancienne administration, la mairesse Plante s'attaque vraiment aux loisirs pratiqués par les jeunes. Tu sais, c'est complètement ridicule, c'est insensé comme décision. Ça n'a pas de bon sens. Okay. Je sais qu'elle dit on va laisser aux arrondissements choisir où ils veulent investir leur argent. Les arrondissements ont fait la preuve depuis 15-20 ans qu'ils n'investissent pas sur des terrains de baseball parce qu'ils sont en état de décrépitude. Alors, cette politique-là visait juste à ramener le pendule du bon côté. Ça permettait pour un certain temps d'avoir des fonds immédiatement débloqués pour la réfection des terrains de baseball. Cet argent-là, il n'ira pas nécessairement au terrain de baseball maintenant. OK. Fred, on se laisse, on s'en reparle. Parce que je sais que tu as beaucoup de travail aujourd'hui. On se parlait beaucoup du Réseau Olympique. Frédéric Degg, de la presse canadienne. Parfait. Merci.